Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Lee Miller, muse réaliste et photographe de guerre. Allemagne, avril 1945. Comment imaginer que ce GI, en treillis crasseux, casque et godillot plein de boue, qui avance à grandes enjambées, appareil photo au poing, est une femme? Et pas n'importe laquelle, c'est Lee Miller, sans doute une des femmes les plus fascinantes du XXe siècle. Celle qui, depuis juin 1944, accompagne l'avancée américaine en Europe, comme correspondante de guerre du magazine Vogue, a vécu avant-guerre bien d'autres vies. Plus belle femme du monde, égérie des surréalistes, amie de Picasso, Max Ernst, Éluard, Cocteau, Lee Miller, jeune américaine débarquée à Paris, fut le modèle et l'amante de Man Ray, avant elle-même de devenir photographe. « Je préfère prendre une photo que d'en être une », dira-t-elle. Comme ces années 30, brillantes, insouciantes, semblent loin lorsque le 30 avril 1945, Lee Miller et son camarade David Sherman sont les premiers à photographier le camp de concentration de Dachau, à peine libéré des nazis. Et pourtant, même au pire de l'horreur, Lee Miller n'en demeure pas moins ce qu'elle est profondément, une artiste surréaliste. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Sylvain Roumette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, cinéaste. Lee Miller, vous la connaissez bien puisque vous lui avez consacré un très beau documentaire qui avait été donc diffusé en 1995, je crois. Lee Miller, née en 1907 aux États-Unis et qui mourra en 1977 en Angleterre. Pourquoi continue-t-elle aujourd'hui à nous fasciner, peut-être même plus aujourd'hui que de son vivant? Le mot fascination est juste. Moi, je l'ai éprouvé moi-même, je veux dire, la première fois quand j'ai rencontré, je l'ai jamais rencontré en réalité, mais je l'ai rencontré dans une exposition photo aux États-Unis. Je connaissais assez bien la photographie, j'ai fait pas mal de films sur la photographie, et j'ignorais tout du nom et de l'œuvre de Lee Miller. Et cette exposition qui déployait toute la gamme de son travail, depuis son travail, si j'ose dire, de modèle, mais c'est aussi un travail. C'est aussi un travail, oui. Ces photos de mode, ces photos surréalistes, vous en avez parlé. Et puis, naturellement, vers la fin de sa carrière, sinon de sa vie, ces photos de guerre. Et donc, il y a une sorte de fascination qui émane de ce personnage, pour des raisons que j'ai essayé de comprendre un peu, mais que je ne suis pas sûr d'avoir comprise, vraiment. Il y a d'abord sa beauté, tout de même, il faut alors, sa beauté évidemment, physique. Comment la décrire? C'est difficile d'y échapper, même c'est si incontournable. Ça ne se limite pas à ça. Mais... Puisque c'était un petit peu son image publique à l'époque. À l'époque, on ne parlait pas de star, mais elle était une star, là, une star des studios, notamment à New York, et des studios de mode, puisqu'elle avait été repérée dans la rue, selon une histoire classique, par Steichen et tout ça. Donc, il y a cette beauté, bien sûr, mais cette beauté qui apparaît pas seulement dans les photos publiques d'elle, les photos qu'elle faisait comme modèle, donc dans les studios, mais aussi dans les photos que faisait d'elle son père, par exemple, hein, qui sont des photos très très troublantes. Oui, son père qui la photographiait nue. Voilà, qui était un photographe amateur, mais expérimenté. Et qui avait l'habitude de photographier nue sa fille et les habits de sa fille. Voilà. Alors, dans quelles circonstances, Sylvain Roumette, cette jeune américaine, modèle et mannequin, donc débarque-t-elle en Europe dans les années 20 et comment va-t-elle devenir elle-même photographe et artiste surréaliste? Elle a 18 ans, c'était la fille d'une bonne famille près de New York, à Poughkeepsie. Elle voulait faire une carrière artistique, elle savait pas trop laquelle. Elle s'est inscrite à un moment dans une école d'art dramatique. Et elle est partie seule, à 18 ans, à Paris, avec simplement le désir de se confronter à l'Europe de l'époque et au Paris de l'époque. C'était là que ça se passait, quoi. La capitale des arts, voilà, c'est ça. Très aventureuse. À 18 ans, c'était pas banal, quand même. Elle a pris le bateau, accompagnée par son papa, et elle est partie comme ça. Elle est revenue 2 ans plus tard, et sur la recommandation, cette fois, de Steichen, le grand photographe, avec la recommandation de rencontrer cet Américain de Paris, photographe bien connu, qui s'appelait Man Ray, et qu'elle a aussitôt Oui, elle est allée le voir, dit voilà, je vais travailler avec vous. Lui dit, bon, non, ben si, je vous suis, je viens avec vous. Elle avait beaucoup de cran. Ah oui, elle avait même, on pourrait dire, du culot, quoi. Parce que Mandré lui dit, mais je peux pas vous recevoir, je m'en vais demain. Elle lui dit, ben, je pars avec vous. Elle est partie avec lui, elle est restée avec lui quelques années. Voilà. Et donc, ils vont travailler ensemble et aussi être amants. Et avec lui, elle apprend le métier aussi. Elle apprend la photographie. Elle a vraiment appris. Elle a été son élève. C'est-à-dire qu'elle avait toutes sortes d'exercices à faire, toutes sortes de manipulations de laboratoire. Ce qui lui a permis ensuite d'ouvrir son propre studio. À New York. À Paris d'abord à Paris. Et puis à New York, où elle répondait aux commandes à la fois de publicitaires, de marques commerciales, etc. Voilà. Oui. Et donc elle part en 1932 à New York, elle va ouvrir son propre studio. En 1934, elle se marie avec un Égyptien, elle abandonne la photo, part en Égypte, elle revient en Europe en 1937, je fais un peu rapide, mais oui. Et là elle va rencontrer un Anglais, son nouvel amant, le peintre Roland Penrose. Et en 1940, donc elle vit à ce moment-là avec lui en Angleterre, quand la guerre commence, elle va commencer à travailler pour Vogue. C'est véritablement le tournant de son travail, cette expérience de l'Angleterre. C'est capital parce que toute la partie qui précédait, c'était la partie post-surréaliste, si vous voulez, dont on peut avoir une idée en voyant l'exposition d'Oramar en ce moment, par exemple à Beaubourg. Mais elle arrive dans Londres au moment du Blitz, au moment du début véritablement de la guerre, et c'est là que tout d'un coup elle bascule dans un travail qui est celui du correspondant, non pas de guerre à proprement parler, mais du photographe qui photographie ce qui se passe autour de lui. Oui, donc elle va photographier les bombes sur Londres, la population qui résiste. Absolument, et ça fait l'objet d'un tout un travail très beau et qui est sa véritable entrée dans le travail de guerre, si vous voulez, qui s'appelle Grim Glory, qui est un album de photos et de textes. Parce que c'est là qu'elle commencera aussi à écrire les textes et à se servir de sa machine à écrire autant que de son Rolleiflex. Et c'est en 1942 qu'elle devient photographe de guerre pour Vogue. Et en 1944, elle débarque en Normandie quelques jours après le D-Day, là, avec les troupes américaines. Donc là, la fiction que nous allons écouter commence en 1945, mais les Alliés ont franchi la frontière allemande déjà à l'automne 1944. Mais ce n'est qu'en mars 1945, véritablement, qu'ils réussissent à franchir le Rhin. Les Britanniques avancent par le nord, les Français par le sud, les Américains entrent par le sud de l'Allemagne, alors que les Soviétiques, eux, vont pénétrer par l'est et arriver à Berlin le 19 avril 1945, le jour même où les Américains, dont Lee Miller, entrent dans Leipzig. Alors, Sylvain Roumet, je propose que nous poursuivions cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Lee Miller, muse surréaliste et photographe de guerre, un texte de Marc Elfer, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Pascal II. Qu'il est beau le printemps en Allemagne. Aix-la-Chapelle, Cologne, Iéna, Weimar, Leipzig. Toutes ces villes magnifiques sont en ruine et grouillent de gens répugnants. Les Allemands me dégoûtent. Leur race soi-disant supérieure n'est qu'un ramassis d'assassins. À les écouter, ils n'ont rien fait. Ils ne sont coupables de rien. Pour eux, le seul tort d'Hitler est de perdre la guerre. Quelle bande d'hypocrites. Les braves gens de Weimar sont allés à contre-cœur à Buchenwald. Les GIs les ont forcés à regarder l'horreur de leurs crimes en face. Et ils contemplaient les charniers. Ça n'avait pas l'air de les choquer ni de les troubler. Ils s'en foutaient complètement. Et l'ancien gardien du camp, il faisait fièrement le salut nazi dans sa cellule. Si seulement mon Rolleiflex était un revolver. Heureusement, David est là. Et sans lui, je deviendrais vraiment folle. David. Mon beau David. Il m'aime. Il m'idolâtre. Pour lui, je suis une photographe extraordinaire. Sa jeunesse et sa fougue me troublent. Que dire à Roland ? Je ne réponds plus à ses lettres depuis des semaines. Je me sens prise au piège dans cette vie qui m'attend avec lui à Londres. 19 avril 1945, à Leipzig, en Allemagne. Une femme en casque et treillis militaire marche dans la rue avec des soldats américains. Elle a 37 ans et s'appelle Lee Miller. Elle est photographe et correspondante de guerre pour le magazine Vogue. Ses reportages font sensation en Angleterre et aux États-Unis. Photographe intrépide, capable de tous les risques pour réaliser ses clichés, Lee est également une journaliste talentueuse. Ses articles, empreints d'émotion et émaillés d'un humour caustique, se font au cœur de l'Allemagne de plus en plus virulent. Dans le pays qui est en train de perdre la guerre, Lee Mellon ne voit que des nazis et des civils abominables. Depuis 9 mois, elle suit la fin du conflit, accompagnée de son collègue David Sherman, un photographe du magazine Life. Les troupes alliées, qui avancent de plus en plus rapidement en Allemagne, espèrent arriver à Berlin avant les soviétiques. Le 18 avril, Lee Mellon et David Sherman ont pénétré dans Leipzig, la 5e plus grande ville du pays, avec la 2e division de l'infanterie américaine. Les GI sont accueillis par une foule nombreuse, brandissant des drapeaux blancs. Mais très vite, des combats éclatent dans le centre-ville, près de la mairie. Contrairement à beaucoup de villes allemandes qui se sont rendues sans combat, Leipzig oppose une résistance acharnée. Les Américains n'en viendront à bout que le lendemain matin. Qu'est-ce qu'on attend pour entrer dans l'hôtel de ville ? Le bâtiment n'est pas encore sécurisé. Il n'y a plus de tir. On ne sait pas s'il est piégé. Il y a peut-être des tireurs isolés, une patrouille est sur les lieux, on attend. Et vous voyez bien que tout est calme, les Allemands ont déposé les armes. La bataille est finie. Je suis sûr qu'on ne risque rien. Tu viens, David. Non mais vous êtes cinglé ! Je vous donne l'ordre de vous arrêter. T'as entendu, Lee ? Le lieutenant t'a donné un ordre. Ne me dis pas que tu as peur, David. Décidément, madame, votre réputation n'est pas usurpée. Qu'est-ce qu'on raconte, dis-moi ? Que cette foutue femme n'a peur de rien, qu'elle n'en fait qu'à sa tête et qu'elle n'obéit jamais aux ordres. Lieutenant, s'il vous plaît. C'est pas la peine de me regarder avec ces yeux-là et pas des cils. Un peu de patience, la patrouille va bientôt revenir. Au bout de quelques instants, les soldats sortent de l'hôtel de ville. Il n'y a pas de danger, le bâtiment est maintenant sous contrôle. David Sherman et Lee Mellon, accompagnés de plusieurs GIs, pénètrent dans la mairie de Leipzig. Une surprise macabre les attend à l'intérieur. Mon Dieu, il y en a dans chaque bureau. Ce sont les fonctionnaires de l'hôtel de ville. En tout cas, ce sont de bons Allemands. Ils sont morts. Qui les a tués, lieutenant ? Nos soldats ? Non, regardez leur visage. Ils sont empoisonnés. Sans doute du cyanure. Je les imagine bien en train de traquer la santé du Führer avant de rejoindre le paradis des nazis. Ça doit être ça, le national-romantisme allemand. Préférer la mort à la vie. Je crois que la famille du maire est dans cette pièce. Joli portrait de famille. La jeune fille sur le canapé. Regardez. Elle a quelque chose de très angélique. Vous trouvez pas que ses dents sont exceptionnellement belles ? Dites, Sherman, elle est spéciale, votre collègue. Je devrais peut-être rentrer à Paris. Aller prendre un bain chez Picasso et poser pour lui. Faire la virée des bars, m'amuser avec Cocteau et son petit ami Jeannot. Mais quelque chose s'est cassé. Je ne suis plus la même. David est inquiet. Il me trouve trop dur, pleine de haine. Je n'arrive plus à penser sereinement. Je devrais partir, prendre du recul, oublier ce cauchemar. Mais c'est impossible. Les villes tombent les unes après les autres. Dans quelques jours, la guerre sera finie et je ne peux pas manquer ça. Je veux tirer le portrait d'Hitler le jour de son arrestation. Je veux absolument être là pour rouer cette ordure de coups et l'étrangler de mes propres mains. À Leipzig, Lee Mellon et David Sherman apprennent que le commandant en chef des forces alliées en Europe, Dwight David Eisenhower, a donné l'ordre à ses troupes d'arrêter leur avancée sur Berlin. Il y a quelques mois, en février 1945, lors de la conférence de Yalta, Staline, Churchill et Roosevelt ont conclu un accord qui délimite les futures zones d'occupation de l'Allemagne. Après la fin de la guerre, le territoire à l'est de l'Elbe, comprenant Berlin, doit revenir aux Soviétiques. Le 16 avril, l'armée rouge, avec près de 2 millions de soldats, lance son offensive sur la capitale du Troisième Reich. Lee Mellon comprend brusquement que tous ses projets vont tomber à l'eau. On est à moins de 200 km de Berlin. C'est vraiment frustrant. C'est n'importe quoi. On ne rencontre presque plus de résistance. Les Allemands ont tellement peur des Soviétiques qu'ils préfèrent se rendre à nos troupes. On aurait pris Berlin rapidement et facilement. Qu'est-ce qu'on va faire? Patton fonce sur la Bavière. Il est déjà à Nuremberg. Si on veut des scoops, faut aller là-bas. Et Hitler? Rien ne prouve qu'il est à Berlin. Il n'est plus apparu en public depuis des mois. Et si ça se trouve, il est dans son fief en Bavière. Tu crois qu'il est à Munich? Chérie, tes yeux pétillent. On part quand? Le plus vite possible. Tu peux me déposer à l'hôpital avant? Ouais. Votre certificat militaire, s'il vous plaît. Tenez. Merci. Madame Elisabeth Miller et Louis, correspondante de guerre pour Vogue Studio. Vous êtes Lee Miller, la photographe? Vous me connaissez, docteur? Je lis vos articles, c'est fantastique, vraiment. Les soldats du régiment vous adorent, ils parlent souvent de vous. Bon, ce qui les impressionne, ce sont mes jurons et ma descente de whisky. Vous devinez les raisons de ma visite? Voyons voir, vous dormez pas la nuit? Vous êtes angoissé, fatigué à longueur de journée? Vous avez besoin de petits stimulants pour votre énergie créative? Très bon diagnostic, docteur. Auriez-vous en stock des bénises pour améliorer mes performances au travail? Bien sûr. Que deviendrait l'efficacité de nos GIs sans ces petits cachets d'amphétamine? Voilà. Merci. Ça devrait vous suffire pour quelques semaines. N'en prenez pas plus de 2 par jour. Hein. À votre haleine, je déduis que vous buvez pas que du lait. Évitez les excès. La benzédrine et l'alcool ne font pas bon ménage. Vous désirez aussi une boîte de préservatifs? Je veux bien, oui. Merci, docteur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Cher Audrey, qu'est-ce que Vogue compte faire des dernières photos que je t'ai envoyées? Vas-tu les publier? Il y a quelques jours, les GI sont rejoints l'armée rouge, à Torgau, un petit bourg sur l'Elbe. Je t'envoie l'article et mes images bientôt. C'était une vraie Java, une orgie de cris de joie et d'embrassades. Tout le monde tirait des coups de feu en l'air et la vodka coulait à flot. Les soldates russes m'ont invité dans leur camion et elles étaient stupéfaites de voir que je ne portais pas de soutien-gorge sous mon uniforme. Alors que nous étions sur le point de partir, nous sommes tombés sur la journaliste du New York Herald Tribune, Marguerite Higgins. Elle venait juste d'arriver et nous a sorti « Comment David Sherman et Lee Miller font-ils pour être toujours les premiers sur place dès qu'il se passe quelque chose ?» Nous sommes maintenant à Nuremberg. Aujourd'hui, dans la rue, un officier de la police militaire un peu tatillon m'a demandé pourquoi mes pantalons étaient complètement fripés et mes rangers n'étaient pas cirés. Je n'ai pas osé lui dire, je porte les mêmes depuis des mois. Tu vois, je suis toujours aussi souillon. Je t'embrasse. Lee. David Sherman et Lee Miller découvrent Nuremberg, la ville qui, dès 1933, fut le symbole des rassemblements gigantesques du Troisième Reich, est aujourd'hui en ruine suite aux bombardements alliés. Le 20 avril, les troupes américaines ont pris le contrôle de la ville au terme de 4 jours de combats de rue effroyables. Refusant toute capitulation, le Gauleiter Karl Holtz, chargé de défendre Nuremberg, avait informé Hitler en personne que la ville résisterait jusqu'au dernier homme. Il avait ordonné aux SS de tuer tous les civils qui tenteraient de se rendre. Le 29 avril 1945, Dick Pollard, officier de presse au bureau des relations publiques de l'armée américaine et ex-collègue de David Sherman à Life, lui fournit une information exclusive. Lee, oublie ton article. Dépêche-toi, prends ton matériel, on s'en va. Mais qu'est-ce qui se passe? On va où? À Dachau, un camp de concentration, au nord de Munich. Ah ben je doute que l'office de tourisme de Munich y organise des visites guidées. Hein. On part avec la 45e division. Dick m'a mis sur le coup. On sera les seuls photographes, on tient un scoop. Un scoop? Non mais tu rigoles! Chaque ville en Allemagne a son propre parc d'attractions de l'horreur. Lee, arrête! David, je suis persuadée que ces photos ne serviront à rien. Elles ne seront jamais publiées. Qu'est-ce que tu racontes? Vogue n'y croit pas à ces horreurs. Ma rédac-chef m'a même demandé de certifier que mes photos de Buchenwald étaient authentiques. Qu'est-ce que... Mais comment elle peut dire ça? Tes photos sont des témoignages accablants. Vogue va les publier, j'en suis sûr. Allez, mène-toi, on nous attend. Le soleil brille le matin du 30 avril quand Lee Miller et David Sherman arrivent en voiture à Dachau. Le camp a été libéré la veille. Construit en 1933, Dachau est le premier camp de concentration créé en Allemagne. Il a servi d'abord de lieu d'internement pour les opposants politiques au régime nazi. Plus tard, les Juifs de Bavière, les Tziganes et les homosexuels sont venus augmenter le nombre de détenus. Pendant la guerre, près de 200 000 prisonniers ont été internés à Dachau dans des conditions épouvantables. Les travaux forcés, le manque de nourriture, des épidémies de typhus et des expériences médicales ont provoqué de véritables hécatombes parmi les détenus. Lee Miller et David Sherman descendent de leur jeep. Ils regardent, médusés, les belles villas qui bordent la voie ferrée et entourent le camp. Devant eux, un train long de 39 wagons est immobilisé. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ? On dirait que ça vient du train. Bon, il va falloir y aller. Vous êtes les photographes ? Oui. Sergent Paul Sheridan. Je suis l'officier de liaison pour la presse. Sergent, voici Lee Miller. Moi, c'est David Sherman. Je vous préviens. C'est terrifiant. Suivez-moi. Vous avez libéré facilement le camp ? Il y a eu quelques combats sporadiques, mais la majorité des gardiens n'a pas opposé de résistance. Madame Miller, où allez-vous ? Sheridan, qu'est-ce que c'est que ce bruit qui vient du train ? Il y a des milliers de cadavres là-dedans. Le bruit, c'est les mouches. Il y a des nuées de mouches dans les wagons. Oh non ! C'est insoutenable. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Madame Muller, arrêtez ! Ne montez pas dans le wagon ! Descendez de là tout de suite ! Vous m'entendez ? Calmez-vous ! Calmez-vous, Sheridan, je prends juste quelques photos. Comment une femme peut-elle photographier de telles horreurs ? Pourquoi fait-elle autant de plans serrés sur les visages ? Lee a plus de tripes que moi, vous savez. C'est comme ça qu'elle travaille. Oh mon Dieu. Lee Miller et David Sherman pénètrent à l'intérieur de Dachau. Ils photographient les piles de cadavres qui gisent dans le camp. Dans les baraquements, ils fixent sur la pellicule le regard des survivants squelettiques allongés sur leur paillasse. Il y a près de 32 000 survivants à Dachau. Lee cadre en gros plan les corps des gardiens SS qui ont été tués lors des combats ou exécutés par les GI après la libération du camp. Tu as vu les corps devant le bâtiment là-bas ? Ouais, c'est bizarre. Ils ne portent pas de tenue rayée et ils ne sont pas décharnés. Sûr, ce sont des Allemands. Je me demande s'ils ont fait le salut nazi quand ils ont été fusillés. Tu crois qu'ils ont été fusillés ? Ça me paraît évident. Sheridan, près du baraquement, là-bas, on a vu les corps de nombreux SS. Ils ont été exécutés ? Je suis désolé, je n'ai pas d'informations à ce sujet. Il y a vraiment de quoi devenir fou ici. Viens, il faut que je te montre quelque chose. C'est juste à côté. Qu'est-ce que c'est ? Encore une atrocité ? Non, je te promets, tu vas être surpris. Tiens. C'est par là. Viens. Des lapins. Des lapins angora. Regarde. Regarde comment toutes ces cages sont spacieuses, propres et les lapins grassouillés. C'est complètement surréaliste. Un élevage de lapins dans cet enfer. C'est dingue. Les Allemands s'occupent mieux des lapins que de leurs prisonniers. La 45e division va bientôt partir pour Munich. La ville est tombée. Vous voulez venir avec moi ? J'ai la place dans ma jeep. Qu'est-ce qu'on fait ? On va à Munich ? Qu'est-ce que t'en dis ? Dick m'a laissé un ordre de réquisition pour un appartement là-bas. Hein ? Moi aussi, j'ai une adresse à Munich. Je me sens sale. Terriblement sale. J'ai encore cette puanteur de la mort dans les narines. Elle me colle à la peau. Mes vêtements puent la charogne. Comment me débarrasser de cette odeur ? Sheridan et David sont silencieux. Nous sommes dans cette voiture depuis 20 minutes et personne n'ose parler. David me regarde bizarrement. Je ne sais pas à quoi il pense. Il doit me prendre pour une détraquée. Je lui ai montré tout à l'heure sur un bout de papier l'adresse de l'appartement d'Hitler, à Munich. Il n'a pas sauté de joie. Il est resté impassible. Il avait l'air pétrifié. On va s'inviter pour le thé chez le Führer. Avec un peu de chance, le monstre se cache chez lui. Lee Miller et David Sherman quittent Dachau dans un convoi militaire en direction de Munich, un haut lieu du nazisme. C'est dans la capitale bavaroise, en effet, que le mouvement est né en 1919. C'est là que se tient le siège du parti nazi. Chaque année, sur l'Odeonplatz, une cérémonie est rendue en hommage aux victimes nazies du putsch manqué de 1923. Adolf Hitler, dont on est sans nouvelles ce 30 avril 1945, possède à Munich un appartement au 16 de la Prinzregentenplatz. Dans ce logement luxueux de 9 pièces, le Führer reçoit des invités de marque, comme en septembre 1938, Neville Chamberlain, le premier ministre britannique, lors des accords de Munich. Les Américains entrent pratiquement sans combattre dans une ville dévastée et à moitié déserte. Je suis pas prêt d'oublier ce que j'ai vu dans ce camp. Hier, j'ai vu des hommes de ma division, des vrais durs à cuire, pleurer à Dachau. On nous avait pas préparé à un choc pareil. Je n'aurais jamais pu imaginer une telle horreur. Pourtant, nous côtoyons la mort tous les jours. C'est votre premier camp, Sheridan ? Ouais. Certains de nos soldats sont devenus fous de rage quand ils ont découvert le train. Ils ont dit, ici, nous ne ferons pas de prisonniers. Ils ont exécuté une cinquantaine de gardes à la mitrailleuse, peut-être plus, je ne sais pas. Nous sommes bientôt arrivés. Le poste de commandement est dans cet immeuble à gauche, à l'angle de la rue. La plaque, regarde, Prinzregentenplatz. C'est pas possible, David. Quoi? David, le poste de commandement. Qu'est-ce qu'il a, le poste de commandement? Mais regarde, regarde, il est au numéro 16. Et alors? Idiot, c'est l'adresse d'Hitler. T'es sûr? Il est pas terrible, cet immeuble. Non mais franchement, tu vois un chef d'État habiter ici? Je te donne ma main à couper que c'est là. On nous a dit que vous pourriez nous héberger dans cet immeuble. Voici notre bon de cantonnement. Faites voir. Pourquoi avez-vous installé le poste de commandement ici? C'est un bâtiment symbolique? Pas que je sache. C'est en bon état, bien situé. On a réquisitionné tout l'immeuble. Nous souhaiterions voir, enfin, si c'est possible, l'appartement du deuxième étage. Mais qu'est-ce qu'il a, cet appartement? Pourquoi celui-là et pas un autre? Mon guide touristique sur Munich le recommande fortement. Vous m'avez l'air d'une sacrée farceuse. Vous pouvez pas imaginer. Elle me fait rire à longueur de journée. C'est votre jour de chance. L'appartement est inoccupé. Vous serez à l'aise. Il y a 9 pièces. Venez, suivez-moi. Voilà. C'est ici. L'électricité fonctionne. Je vous laisse faire le tour du propriétaire. À plus tard. Merci, lieutenant-colonel Grace. Madame, veuillez me suivre. Un appartement furieusement moderne. Voici le vestibule. Mais c'est immense! Attends, je peux regarder les placards? Évidemment. Notre hôte a sans doute peur qu'on lui vole sa porcelaine et ses serviettes. Elle porte toutes ses initiales, AH. Il y a même des petites croix gammées qui décorent les assiettes. La salle de séjour. Les fauteuils ont l'air confortables. Oh. Non mais imagine un peu les fesses de Goebbels, Göring, Himmler, Mussolini, Franco et Chamberlain vautrés dans ces fauteuils. Et les tableaux sur les murs? Tu crois que ce sont les œuvres du maître? Non, alors là, je suis déçue. En tout cas, de lui ou pas, c'est très laid. Hein, avec toutes les œuvres qu'ils ont volées, je m'attendais à trouver des toiles de Rembrandt ou de Botticelli. Bon, allez, viens. Ah, viens voir. Ah. Il y a même un standard téléphonique. Mais puis si ça se trouve, il est relié directement à Berlin. Ou au nid d'aigle de Berchtesgaden. J'essaie. Le téléphone fonctionne. Allô? Allô? Berchtesgaden, bitte. Ici Lee Miller, une journaliste américaine, bonjour. Je suis chez Hitler, je vais bientôt profaner son appartement. Le Führer a-t-il des commentaires à faire là-dessus? Oh, on m'a raccroché au nez. Oh, il n'y a plus de tonalité. Qu'est-ce que tu croyais? Ça doit être la panique au nid d'aigle. Eh bien, on continue la visite. Les chambres à coucher sont par là. La décoration laisse vraiment à désirer. Oh, ce lit a l'air confortable. Bah, on dort là ce soir. Alors, tu préfères prendre quel côté? Celui d'Hitler ou celui d'Eva Braun? La salle de bain. Attendez-moi, chérie. Oh, viens voir, il y a une baignoire. Ça fait au moins 2 semaines qu'on ne s'est pas lavé. Oh. Il y a de l'eau chaude. Oh mon Dieu, quel luxe. Et, Lee, qu'est-ce que tu fais? J'essuie mes Rangers sur le tapis de bain. Je laisse à Adolphe un petit souvenir de Dachau. Elle est un peu trop immaculée, cette salle de bain, tu trouves quoi? C'est ma vengeance. Mon petit moment de triomphe sur Hitler et sa nation de tarés. C'est quoi déjà le slogan sur les affiches? Un seul peuple, un seul état, un seul chef. Je vais leur envoyer un message personnel. Un beau doigt d'honneur pour célébrer la chute de leur Reich. Je suis chez toi, Adolphe. Je vide tes placards, tes tiroirs. J'écoute la BBC sur ton poste de radio. J'essaie tes vêtements. Je mange dans tes assiettes. Je vais dormir et baiser dans ton lit. Mais surtout, je vais me laver de l'horreur de tes crimes dans ta baignoire. Il dirait quoi, Adolphe, si on se prenait en photo dans sa salle de bain? David Sherman, un juif, se lavant dans la baignoire du Führer. La photo serait plus spectaculaire avec une artiste surréaliste dégénérée dans ton genre. Non mais imagine un peu, Lee Miller, le plus joli nombril du monde, nu dans la baignoire d'Hitler. Oh, encore une photo de moi nu dans une baignoire. Mon père en a fait tellement. Mais il faudrait quand même qu'on comprenne que c'est la salle de bain d'Hitler. Attends, j'ai une idée. David Sherman installe le portrait officiel d'Hitler, réalisé par le photographe Heinrich Hoffmann, sur un recoin de la baignoire. Puis pose sur une commode une statuette de style classique qui représente une femme nue, la main relevée sur la tête. Lee Miller se déshabille, laisse son uniforme militaire sur une chaise et place ses Rangers bien en évidence devant la baignoire. Elle s'installe et commence à se laver. Hitler, sur sa photo et la statuette, semble la suivre du regard. Un petit sourire, Lee. Tu t'amuses bien, David? Dans quelques minutes, ce sera ton tour. Tu vas aussi te photographier dans cette baignoire. Frotte-toi le dos avec le gant de toilette. Allez, souris un peu. Avec tout ce qu'on a vu ce matin à Dachau, tu veux que je souris? On voit bien le flexible et le pommeau de la douche en arrière-plan. Oui, j'ai fait attention de cadrer large. Bon, Lee, imagine que t'es ici en vainqueur, je vois sur ton visage une expression de gagnante. Mais qu'est-ce que t'as, Lee? T'as l'air totalement absente. Je pense à une petite fille. Une fille de 7 ans. Elle a une douleur atroce entre les jambes. De quoi tu parles? Je me demande si Cocteau m'avait percé à jour. Je comprends rien. Tu crois que c'est si simple de se débarrasser d'une blessure, de fermer la bouche d'une blessure? Il m'avait fait dire ça dans son film. Le sang d'un poète. Je tenais le rôle d'une statue comme celle-là, sur la commode. Lee, tu me fais peur. On m'a violée quand j'étais enfant. Je ne l'ai jamais raconté. Ni à Mandray, ni à Roland. T'as été violée. Je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Viens, prends-moi dans tes bras. Serre-moi. Le lendemain, les deux photographes occupent toujours l'appartement d'Hitler. Dans la journée, toujours à Munich, ils partent photographier la maison d'Eva Braun et la brasserie Hofbräuhaus, là où le 24 février 1920, Hitler avait exposé le programme du parti nazi. À minuit, de retour dans l'appartement, Sherman écoute la BBC et découvre avec stupéfaction une information qui est en train de faire le tour du monde. Hitler est mort. C'est pas possible. Les Russes sont entrés hier à Berlin et ils ont trouvé les corps d'Hitler et d'Eva Braun carbonisés dans le jardin de la chancellerie, à l'extérieur de son bunker. Ils sont morts comment? D'après la BBC, ils se seraient suicidés. L'armée rouge a également trouvé les corps de Goebbels, sa femme et leurs 6 enfants. Ils se seraient empoisonnés. T'appelles un enthousiaste, c'est une bonne nouvelle, non? Encore des criminels qui échappent à la potence. La guerre est bientôt finie, Lee. C'est une question de jours. Tu continues l'aventure avec moi? Je vais encore couvrir l'après-guerre quelques mois. Tu vas pas rentrer à Londres? Roland t'attend? Après la guerre, on pourrait partir travailler toi et moi à New York. Lee, t'es avec Roland depuis si longtemps. Vous vous aimez tous les deux, c'est évident. Qu'est-ce que tu fuis? Ce ménage à trois me convient très bien. Je ne veux rien casser entre vous. David, réfléchis quand même. On en reparlera plus tard. Bon. On ne va pas gâcher l'ambiance. La mort d'Hitler, ça se fête. Notre hôte nous a même laissé une bouteille de champagne. Tu trouves ça choquant si on fait l'amour dans le lit de quelqu'un qui vient de mourir? Tiens, ça doit être le fantôme d'Hitler. Vous êtes au courant? Oui, lieutenant-colonel. On vient d'entendre la radio. Vous vous fêtez ça avec nous? On a du champagne. Le champagne d'Hitler. Ah, avec plaisir. Allez. Wouh. Allez. Santé, Grèce. Santé. Vous allez faire quoi après la guerre? La guerre n'est pas encore finie. Je crois que je suis en Allemagne encore pour un petit moment. Vous avez une femme qui vous attend au pays? Non, mais j'ai rencontré une Française, à Paris. J'espère qu'elle va m'attendre. Pourquoi vous avez une serviette de bain et du savon avec vous, Grèce? Vous pourriez me prendre en photo dans la baignoire. Depuis que vous m'avez dit que c'était l'appartement d'Hitler, tous les GIs dans l'immeuble veulent se faire tirer le portrait dans cette baignoire. Ils vont bientôt faire la queue devant votre porte. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. La guerre en Europe est terminée, mais Lee Miller continue de voyager pour Vogue. Pendant 2 ans, elle fait des reportages au Danemark, en Autriche, en Hongrie et en Roumanie. Avec David, les chemins se séparent. Lee rentre définitivement à Londres et finit par épouser l'artiste surréaliste Roland Penrose en mai 1947. Leur fils, Anthony, naît quelques mois plus tard, le 9 septembre. Lee met un terme à sa carrière de photographe en 1953. Elle ne se remettra jamais vraiment de la guerre. Elle sombre dans l'alcool et la dépression. Le couple déménage à Farley Farm, dans le Sussex. Dans cette ferme à la campagne, Lee se trouve une nouvelle passion qui va la sauver, la cuisine. Elle régale ses amis de passage, Max Ernst, Picasso et Man Ray, de plats absolument surréalistes. Ils m'ont tant désiré. Je leur faisais tourner la tête. J'étais indomptable. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Dans le miroir, il y a cette Lady Penrose, boursouflée, imbibée d'alcool du matin au soir. Depuis la guerre, il y a 30 ans, j'ai tout fait pour qu'on m'oublie. Mais maintenant, les musées, les journalistes me harcèlent. Ils s'intéressent à mon œuvre. Ils veulent me faire parler de Vogue, de Man Ray, des camps, de l'appartement d'Hitler. Mais je leur dis à tous la même chose. Je n'ai plus de photos. Tout a disparu, brûlé pendant la guerre. Je ne veux plus parler de tout ça. Je ne veux plus être la femme dans la baignoire d'Hitler. J'ai rangé là-haut, dans le grenier, des milliers de négatifs, mes lettres, mes journaux intimes dans des boîtes. Peut-être un jour, Anthony les trouvera et me découvrira enfin pour la première fois. Si je devais tout recommencer, je serais encore plus libre. Je les rendrais encore plus fous de jalousie. Man Ray, Aziz, Pablo, Roland, David. J'étais si belle, je ressemblais à un ange. Mais à l'intérieur, j'étais un démon. Thank you. Lee Miller, muse surréaliste et photographe de guerre, de Marc Elfer. Avec Lee Miller, Johanna Nizar, David Sherman, Aymeric Le Cerf, le lieutenant McDaniel, Florent Houillet, Dr Macy, Swann de Marsan, sergent Sheridan, Olivier Cherki, le lieutenant-colonel William Grace, Valentin de Carbonnière et les voix de Thomas Pontier, Bastien Bouillon et Mathieu Rocheverger. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Benjamin Vignal et Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Manon Dubu. Réalisation, Pascal Deux. Vous écoutez France Inter, autant n'emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on continue de parler de Lee Miller avec mon invité Sylvain Roumette. Mes souvenirs sont flous et filent sans fin. Je les retiens. Chaque horizon, chaque pluie fine me bouleversait et l'air autour vibrait. C'était hier, j'étais un autre. De Barba Gallo sur France Inter, autant n'importe l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Nicolas Cazot. Sylvain Roumette, nous avons donc quitté Lee Miller, alias Lady Penrose, regardant avec nostalgie son passé, 30 ans après la fin de la guerre. Je vous propose d'abord, si vous voulez bien, d'écouter la voix de Lee Miller dans une interview assez rare de 1946, où justement elle évoque ses reportages en Allemagne. Je suis arrivé le jour où ils ont pris Munich. Ça faisait des années que j'avais l'adresse d'Hitler dans la poche, au cas où ça pourrait m'être utile. Alors vous avez téléphoné chez lui ? Oui, mais monsieur était absent. Un soldat a répondu, j'ai pris pas mal de photos de l'endroit et j'ai passé une très bonne nuit de sommeil dans son lit. J'ai même lavé la saleté de Dachau dans sa baignoire personnelle. Et Berchtesgaden, comment ça s'est passé là-bas? En fait, j'étais sur la route, dans ma propre voiture, innocente et sans intention particulière. Et un soldat de la 3e division, que j'avais connu en Alsace, est passé. Il m'a dit qu'ils allaient à Berchtesgaden et pourquoi je ne viendrais pas avec eux? Il faut quand même admettre que la photo de Berchtesgaden en feu, on venait de le faire exploser, c'était très réussi. Je me souviens particulièrement de celle prise à Dachau et à Buchenwald. J'espère que jamais personne ne les oubliera et n'oubliera ce qu'elles montrent. Moi, je ne les oublierai pas. Je suis très fier que mon magazine les ait publiées. D'habitude, Vogue ne photographie pas des histoires d'horreur et là, c'était bien de cela qu'il s'agissait. On l'entend bien dans ce court extrait que ce moment de Dachau donc a été extrêmement important et peut-être ça explique aussi est-ce qu'elle s'est remise de cette guerre, est-ce que cette expérience a dû être difficile pour elle et peut-être et aussi passionnante. Quel est dans sa vie le bilan de cette guerre? C'est difficile à dire. En même temps, j'ai presque envie de dire que l'expérience de la guerre, la vie qu'elle a partagée avec les soldats, le contact avec l'horreur, etc., d'une certaine façon, ça a libéré quelque chose chez elle. Elle s'est libérée un peu du personnage qui avait été le sien depuis les années 20 et les années 30, c'est-à-dire cette icône luxueuse, cette femme de plaisir, cette séduction qu'elle exerçait sur tout le monde, et notamment sur les hommes, bien sûr, et dont elle était, d'une certaine façon, quelque part, un peu lasse, je crois. Alors, ce qui est très caractéristique, c'est de voir avec quelle facilité elle a jeté aux orties tout ce matériau iconique qui était le sien, pour partir, se confondre avec les GI. Oui, parce qu'elle a beaucoup de courage. Beaucoup de courage, naturellement, et en étant volontairement, non pas planqué, si on peut dire, comme pouvait l'être aussi de certains photographes ou certains reporters, mais en étant au front et avec les gens de l'infanterie. C'est-à-dire qu'elle détruit, elle se libère en même temps, elle détruit quelque chose de son image d'avant. Quoi, c'est disons. Une femme aussi assez en avance sur son temps, parce qu'elle est si peu conventionnelle. C'est aussi la femme des années 30 aussi. C'est absolument. Aussi quelque chose qui vient de là, oui. Du surréalisme aussi. C'est un peu contradictoire, mais ça vient aussi de là. C'est drôle parce qu'il y a une journaliste qui lui demandait comment elle fait quand elle est en campagne avec tous ces hommes. Elle avait répondu avec sans doute un peu de provoque. Si j'ai envie de faire pipi, je le fais en route. Si j'ai besoin d'un homme, je saute dans un lit avec lui. C'était une femme d'une grande liberté physique, de parole, liberté sexuelle. Voilà, c'est tout à fait vrai. Et c'est qui avait fasciné d'ailleurs le jeune David Sherman, jeune photographe américain un peu blanc-bec, qui débarque à Londres et qui se trouve mêlé à cette société qui est complètement modelée par justement les valeurs surréalistes de l'époque, l'amour libre, etc., et qui se retrouve pris dans une relation triangulaire avec Lee et avec Roland Penrose, l'amant et le futur mari de Lee. Voilà, il y a une sorte de fascination, là encore, le mot revient souvent finalement quand on parle d'elle. Il y a aussi ce qui est important quand on parle de Lee Miller, de cette période, bien sûr de la guerre, c'est son style photographique, son travail. On est loin bien sûr des photos de mode, des nus surréalistes des années 30. Dans le documentaire que vous avez consacré donc à Lee Miller, à Sylvain Roumette, David Sherman, vous lui demandez est-ce que c'était une bonne photographe de guerre et il répond, peut-être pas pour l'action, mais en tout cas c'était une photographe surréaliste, c'est bien ça qu'il dit. Mais je lui pose la question, est-ce que c'était une grande photographe de guerre? Et il me dit, il a une phrase curieuse, il dit, c'était une presque grande photographe de guerre, mais c'était une grande photographe surréaliste. C'est-à-dire que la valeur proprement créative, disons, de son travail, il s'est exprimé plutôt dans le travail inspiré directement de l'idéologie surréaliste, si on veut, un art de la composition, un art des rencontres, chocs, art de ce qu'il appelle l'incongru. Oui, c'est ça, c'est l'incongruité. L'incongru. Sur une photo, elle montre des choses comme ça qui sont contraires à un prisonnier de Dachau avec un lapin blanc. Elle le fait aussi avec des photos, y compris parmi les photos de Dachau. Je ne sais pas si vous avez dans l'esprit la photo où on voit cadrer le bas des pantalons rayés de prisonniers qui sont là, à côté d'un tas d'ossements. Mais il y a une sorte de sophistication dans le cadre qui est tout à fait étonnante, qu'on ne peut pas ne pas référer à son travail de mode, pour aussi bizarre ou presque obscène que ça puisse être. Hein. Donc il y a une part de surréalisme dans, dans cette photographie de guerre. Dans un texte qu'avait écrit l'écrivaine Edmonde Charleroux, qui était d'ailleurs ambulancière pendant la Seconde Guerre mondiale, elle raconte, Edmonde Charleroux, qu'elle l'avait croisée quand elle était correspondante de guerre, et elle écrit que pour elle, Lee Miller représentait les années 30, cette vie assez extraordinaire du monde artistique des années 30, et que tout ce monde justement a été balayé par la guerre. C'est assez étonnant, c'est cette image que je trouve assez forte. Oui, c'est vrai. Mais d'où le... peut-être la satisfaction qu'elle pouvait avoir après la guerre à évacuer toute cette partie de sa vie et de l'époque qui avait été d'une certaine façon ruinée, mise à mal et ruinée par l'expérience de la guerre. Mais c'était le cas, je pense, de beaucoup de gens qui avaient fait la guerre aussi. C'est se retrouver, notamment pour les femmes qui participaient de manière active à la guerre, qui les résistants, les correspondantes de guerre, ont vécu ça aussi. C'est de se retrouver après la guerre dans une vie, entre guillemets, normale. Ça peut provoquer des petits chocs dépressifs. Bien sûr. Mais elle aurait pu vouloir continuer d'une certaine façon cette expérience-là, pas forcément avec la photo, puis il n'y avait plus d'opérations de guerre à ce moment-là, mais avec un travail rédactionnel, un travail pour lequel elle avait beaucoup de talent finalement. Et ce qu'elle a commencé à faire pendant quelques mois, les quelques mois où elle est restée vraiment coupée de Londres, coupée de Penrose, où elle errait sur les routes de l'Europe, en Autriche, en Hongrie, etc., dans sa grosse voiture américaine, pour faire un travail qu'on dirait aujourd'hui un travail de grand reporter, mais plutôt par les mots que par les images. Est-ce que son travail aujourd'hui est reconnu, son travail de photographe, à sa juste mesure? Je pense que oui, mais il n'empêche que cette image, elle est parasitée par tout ce qui précède, quoi. C'est-à-dire, sans compter que le personnage de Lee lui-même continue de proposer une espèce de mystère quand même. À cause de ses histoires d'amour, d'amour et de violence, il ne faut pas oublier quand même, dans son histoire, on en parle assez peu, qu'elle a connu la violence enfant, elle avait été violée étant enfant, elle a connu quelque chose qui n'est pas de la violence à proprement parler, peut-être encore que c'est une composante incestueuse qui est peut-être pas étrangère à la violence dans le rapport avec son père, et d'où peut-être dans son attitude lorsqu'elle est photographiée, y compris dans la baignoire de Hitler, hein, parce que Sherman lui dit, mais tu devrais sourire un peu, tu devrais montrer quand même la satisfaction qu'il y a à être dans la baignoire de Hitler. Quand vous regardez bien la photo, il n'y a pas du tout ça, il y a une espèce d'air d'absence. Comme ça. Elle se prête à quelque chose, elle se prêtait, et toute sa vie, je crois que ça a été ça, elle se prêtait au désir des hommes, elle s'y prêtait volontiers. Mais il y a une sorte d'air d'absence, comme ça, et un peu mélancolique, un peu, qui fait peut-être un peu écho à des moments de sa vie, y compris de son enfance. Oui. Merci Sylvain Roumette. Je rappelle que vous êtes l'auteur du documentaire Lee Miller ou La traversée du miroir, édité chez Arte Vidéo en 1995. Un très beau documentaire, j'espère qu'il est toujours disponible. En tout cas, il faudrait qu'il le soit. Et vous êtes l'auteur de la préface du livre Les vies de Lee Miller, d'Anthony Penrose, donc le fils de Lee Miller, coédité par Arléa et Le Seuil. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. C'était la dernière émission de la saison. Tous les dimanches de cet été à 21h, vous aurez rendez-vous avec Mélanie Bauer pour les concerts d'Inter. Et nous nous retrouverons le 1er septembre pour une belle rentrée avec plein de nouvelles histoires. Et en attendant, si dans le train, dans la chaise longue ou sur la serviette de plage, vous vous languissez d'autant n'importe l'histoire, eh bien, les podcasts sont pour vous. Très bel été à tous.